Alors, encore une fois, on plonge dans le passé avec « ado » ou « ido ». Mais il y a quelques exceptions, quelques plongeons un peu particuliers. Par exemple, « affaire » qui donne... Hecho. Hecho, oui, c'est ça, hein, du verbe « hacer », hein, « faire ». Donc, « hecho », ça veut dire « fait ». On le retrouve au passé composé, après le verbe « haber », « avoir ». E, has, a, hemos, han hecho. Et aussi après le verbe « estar », pour parler du résultat d'une action. Par exemple, dans « está hecho », c'est fait. « Está hecho ». Comment direz-vous « je l'ai fait » ?« Lo he hecho ». Encore une fois. « Lo he hecho ». Hecho, oui. Hein? Lo he hecho. Mais vous pouvez aussi dire « c'est fait ». Está hecho. Está hecho. Hein? C'est fait. Voilà. Et j'ai fait la réservation. Hecho la reserva. Hecho la reserva. Tout à fait. Et la réservation est faite. La reserva está hecho. Hecha. Très bien. Hein? Là, on parle du résultat d'une action. Et donc, on emploie estar. Et après estar, hein, être, comme en français, on accorde le participe passé. Hein? La forme avec laquelle on plonge avec le sujet. La reserva está hecha. La réservation est faite. Et comment direz-vous « je l'ai faite » ? Lo, non. La e hecha. C'est bien la, car vous parlez de la reserva, mais ce n'est pas la hecha, car là, on est au passé composé, qui en espagnol se forme avec haber, suivi du participe passé qui ne change pas. Donc, ici, c'est bien hecho et non hecha. Alors, encore une fois, je l'ai faite. Alors, c'est la e hecho. C'est ça, la e hecho, je l'ai faite. Comment direz-vous, j'ai préparé le dîner? E preparado. Bien, e preparado la... La cena. La cena, tout à fait. Donc, he preparado la cena. Et j'ai commencé la traduction. He comenzado. He comenzado. Ou, il y a encore un autre verbe. He... Empezado. He empezado. He comenzado ou he empezado. Hein? Les deux verbes sont synonymes. Comenzar ou empezar. Donc, he comenzado ou empezado. La traduction? La traduction? Oui, tous les mots en ion, I-O-N, portent un accent aigu sur le O. Et à l'oral, c'est la dernière syllabe qu'on frappe, sur laquelle on insiste. Alors, on a donc hacer qui, lorsqu'on plonge dans le passé, donne hecho. Et l'autre verbe qui va de pair avec hacer, c'est decir. Decir, oui. Donc, le participe passé, c'est dicho. Dicho, c'est ça. Alors, comment direz-vous je te l'ai dit? Te lo he dicho. Te lo he dicho, oui, très bien. Il ne m'a rien dit. En espagnol, on dira il ne m'a dit rien. No me a. Ouais, no me a dit. Dicho. D'accord, no me ha dicho, il ne m'a dit. Et maintenant, le rien. Nada. Bien, donc, il ne m'a rien dit, avec rien à la fin de la phrase espagnole. No me ha dicho nada. Tout à fait. No me ha dicho nada. Littéralement, Il ne m'a dit rien. Parce que après haber, qui est comme le plongeoir, il n'y a qu'une chose à faire, plonger. Donc, au bout de plongeoir, ici a, on plonge. Dicho. A dicho. Donc, no me ha dicho nada. Il ne m'a dit rien. C'est-à-dire, il ne m'a rien dit. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Porque no... C'est ça, porque no. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Me lo ha dicho. C'est ça. Por qué no me lo ha dicho? Por qué no me lo ha dicho? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit?